part. Tant d'orgueil qui meurt, vous savez parler. Tant de peur qui nous donne le vertige. J'irai donc bien sûr dans un périmètre certifié par ma propre ligne rouge. Mes ennemis guettent les yeux, je vais faire ses chaussures et elle ne peut pas. Deuxième étape, la porte semble s'ouvrir. Dois-je calculer la vitesse du processus? Regarde ses yeux, elle regarde les miens. Il brille un peu, mais je regarde ses seins. Le plus malin serait de communiquer, mais j'ai choisi pour le moment de m'en aller. Le lendemain, je reviendrai pour de bon. Mais pour l'instant, j'en reste au fil cochon. Je peux.